cette chanson pour mieux te plaire. En l'amour aussi, c'est de saison d'être si fier. Et je la t'aime sans raison, la laisser naître. Sans raison, la laisser naître.